le véritable. Jamais obtenu ce qu'on méritait. L'art la sorti de vérité. Armée, faut plus se pour m'arrêter. Mon âme a traversé les marécages. Ah ouais, c'est marrant qu'à voir ton marabout. Sans soirée de mauvaise qualité. J'ai bouteille un carré du Tennessee. T'inquiète, c'est carré, je vais donner ça. Je suis l'enfant du pays, on me félicite. J'imagine la honte si je réussis pas. Ça se voit qu'on n'a pas la même aclia. Je lui demande direct de se rhabiller. Remballer son cul et ses manières. Et dans la voiture, se remaquiller. C'est déjà l'heure, je suis déjà allé, ouais. Tu vois pas mes yeux comme un Sahraoui. J'en ai eu de la peine et mon père me ment. Non, je veux pas la paix, il est Sahraoui. Check, on est sahab, on est malhonnête. Seul, on est sur un demi dans une sale merde. Seulement, Salomon, seul au monde. Mini, bang, bang, Marseille, Gomorra, Chiro, Parcelle, Haz. C'est beau car déménage. Longue peine, absence féminine. Hesse sous le bas, sur ton assos déménique. Faci, vulnérable, Faisal, Faseur, AK, SN, Général. Classique, vérité, générale. Tu vois moi, gosse, que ta généresse. J'ai vécu Herbel comme un Crenshaw. Vécu Marseille comme un Napoli. Millions d'ennemis me font des accolades. Minimum en Paris, je n'ai pas de collier. Minot dans la tête, on devient mal poli. Perdu mon ami, devenu alcoolique. Hein? Merci mes amis et tous les acolytes. J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, maman. Les jaloux veulent, les jaloux veulent, les jaloux veulent, maman. La nuit je rêve, la nuit je rêve, la nuit je rêve, maman. Et malhonnête, oh ouais, les jaloux veulent, maman. Tu partais, tu revenais, en fonction de mes revenus. Vérifie si je suis michetonnable avant de me souhaiter la bienvenue. Gamin c'est simple, on est haine ou non barreau de haine. Regarde ce qu'on est devenu. Professionnel c'est d'où le produit provenait. Mes parents et la juge m'ont prévenu. Je pars en dormir de trop pas le sommeil. J'ai fini par niquer mon moral. Je m'enferme au studio, je vois pas le soleil. Félicite le bâtard qui m'aura. Mon cœur j'ai une baisse de morale. Ils veulent voir ma vie et pas mon rap. Ils confondent ma vie et les rumeurs. Je suis d'humeur. Mili mili mili bang bang lar lar pas cœur. Carva par terre, Hitman déguisé en facteur. Partiard hardcore divisé en factions. GTH fait des missions en taxi. Jamais en retard pour donner le faction. J'ai vu des gros voyous se faire un taxi. T'acceptes ainsi la colère, les accès de certains. Non, c'est pas de la fiction. Je pars en envie, ne trouve pas le sommeil. J'ai fini par niquer mon moral. Veulent voir ma vie et pas mon rêve. Le pire est venu à mon oreille. J'écoutais du tout pas que passionné. Je m'attendais pas à faire des dollars. Ils confondent ma vie et les rumeurs. Je suis